en louant Allah Azza wa Jal et en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ensuite, il rappelle le bienfait de l'islam par lequel Allah Azza wa Jal nous a comblés. Et ensuite, il rappelle que l'islam est la religion d'Allah Azza wa Jal et que cette religion est une religion complète qui n'a aucun manquement et qui nécessite aucun rajout. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion » et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Également, il nous rappelle que l'islam est la seule religion acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce, dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dont le sens est « Et celui qui recherche autre que l'islam comme religion, celle-ci ne sera pas acceptée de lui. Et il fera partie le jour de la résurrection des perdants. » Il fera partie des perdants le jour de la résurrection. Le Cheikh, il dit à la suite que l'islam est une religion, l'islam est une grande religion. Il dit également qu'il est très important d'apprendre cette religion, et ce dans le moindre détail, et qu'on ne peut pas se permettre tant que musulman d'ignorer notre religion. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, dans un verset dont le sens est, et sache, ô Mohammed, sache, donc il l'appelle et il l'invite à apprendre et à savoir. « Sache, ô Mohammed, qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée, sauf Allah. » Et ensuite, « Demande pardon pour ton péché. » Donc on voit dans ce verset qu'il l'a d'abord invité à apprendre et à savoir, et puis seulement par après, d'œuvrer, et de faire des adorations, qu'elles soient faites avec la bouche ou les membres. Également, le cheikh, il nous rappelle la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait allusion encore une fois à l'importance de l'apprentissage de la religion, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui pour qui Allah veut un bien, celui pour qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Fin de citation. De ce fait, celui pour qui Allah ne veut pas le bien, eh bien il ne lui donne pas la compréhension de la religion, qu'Allah nous en préserve. Il nous est donc obligatoire d'apprendre la religion d'Allah et de connaître cette religion qui est la religion d'Allah sous sa vraie forme. Afin de la transmettre aux gens autour de nous, que cela soit par les paroles ou les actes, sous sa vraie forme, pure de tout rajout et de tout mauvais geste et parole. On doit montrer cette religion pour l'univers entier, sous sa vraie forme. L'islam, c'est la religion avec laquelle est venu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion et ce prophète, Allah n'a pas spécifié par eux un peuple bien précis. Plutôt, il a dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous t'avons envoyé, ô Mohammed, avec cette religion, que comme miséricorde pour l'univers entier. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'avant lui, les prophètes étaient envoyés à leur peuple spécifiquement, mais que lui, alayhi salatu wa sallam, a été envoyé pour l'univers et pour l'humanité entière. Également, le cheikh, il dit « Il nous est donc obligatoire d'apprendre cette religion » sous sa forme, sous laquelle elle est venue. Et donc, exactement sous sa forme avec laquelle nous l'a apporté Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dit dans le Coran al-Karim, et ce que le messager vous a apporté, prenez-le donc. Et ce qui vous a ordonné de délaisser, délaissez-le. Et également, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, et si vous obéissez à ce messager et que vous le suivez, vous serez bien guidés. Également, le cheikh il dit, si on a appris cette religion ou qu'on a commencé à l'apprendre, eh bien il faut absolument qu'on se comporte avec sagesse. Il faut qu'on se comporte avec sagesse, avec cette religion. Allah Azza wa Jalla a dit, adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Sachez que cette religion a un fondement principal et fondamental duquel elle ne peut se détacher. Et ce fondement, c'est l'adoration d'Allah. Et l'adoration d'Allah ne peut se faire qu'avec science et sagesse. L'adoration d'Allah ne se fait pas avec ignorance, ni avec polythéisme, ni avec innovation. Nous devons apprendre cette religion et l'appliquer de manière pure, sans rajout. Sans rajout ni déformation. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, n'est-ce pas Allah qu'appartient le culte exclusivement? Et il dit également Jalla wa Ala dans le Coran, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul, sans associé. L'apprentissage de la religion, mon cher frère, va faire de toi un jour une personne qui a la clairvoyance dans ce qu'elle sait, dans ce qu'elle fait. Et même, tu vas acquérir de la clairvoyance dans ta manière de conseiller les autres, dans ta manière de te comporter avec les autres, que ce soit ta famille, que ce soit les gens que tu rencontres dans les magasins et dans les marchés, que ce soit les voisins, que ce soit les gens de manière générale. Ton comportement va changer avec eux. Cela va devenir un comportement avec science, avec clairvoyance, avec sagesse et bon comportement. La science va faire de toi une personne sage et va faire de toi une personne qui est dans la réussite, dans tout ce qu'elle entreprend comme affaire dans sa vie. Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran al-Karim et invite à la voie de ton Seigneur avec clairvoyance. Et la clairvoyance ne peut être en toi si ce n'est à la suite de l'apprentissage et la science. Il faut savoir que si tu conseilles les gens et tu apprends aux gens la religion, et si tu tentes de corriger les gens et de réformer les gens, mais sans science, sache que ta prêche et ton conseil seront une prêche morte, car la prêche et le conseil sans science sont une prêche et un conseil mort. Regarde autour de toi, combien il y a de groupes qui font la da'wah, qui appellent les gens à des voies et des croyances, toutes différentes les unes des autres. Mais leur prêche et leur voix sont remplies d'innovations, de rajouts, de mensonges, de passions. Quant à la prêche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle est basée depuis le début sur une science correcte et une clairvoyance et une sagesse qui ne peuvent mener qu'à la réussite. Il faut que tu apprennes la religion, il faut que tu lises, que tu cherches à comprendre, afin que tu comprennes les choses sous leur vraie forme et de la bonne manière. L'islam, sache que l'islam est automatiquement accepté par les raisons saines. Sache que l'islam est automatiquement accepté par les gens autour de toi qui sont encore sous leurs raisons saines et naturelles. À condition que tu les invites à cet islam sous sa vraie forme et avec sagesse et science et clairvoyance. Et si tu le fais ainsi, eh bien les gens vont l'accepter automatiquement, sans aucune difficulté, incha'Allah, si ce n'est si Allah veut t'éprouver. Il faut que tu sois une personne douée de sagesse. Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran al-Karim, et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, et qui a de plus belles paroles que celui qui invite à la voix de son Seigneur avec science et clairvoyance, et qui dit « Je fais certes partie des musulmans ». N'appelle pas les gens à un groupe précis, n'appelle pas les gens à une secte, n'appelle pas les gens à un parti, n'appelle pas les gens à une division et une dispersion de la communauté. Appelle les gens à Allah et seulement à Allah. Appelle-les à cet islam avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Appelle-les à cette sunnah sur laquelle il était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Appelle-les à cette voie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs qui accompagnaient notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ensuite celle qui les suit, ensuite celle qui les suit. Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran al-Karim, et si les gens ont foi à la même chose que vous, alors ils seront bien guidés. Mais s'ils refusent ce sur quoi vous êtes, alors ils sont dans un malheur sans fin. Tu dois parler avec science et clairvoyance lorsque tu conseilles les gens. Tu dois apprendre les ordres d'Allah et les interdits d'Allah. Prends garde et fais attention de ne pas ordonner aux gens une chose qu'Allah n'a pas ordonnée, ni d'interdire aux gens une chose qu'Allah n'a pas interdite, car tout cela fait partie de la prêche mensongère. Tout cela fait partie des paroles sur Allah sans science, des mensonges sur Allah. Allah te dit dans le Coran al-Karim, et ne prononcez pas ce que vos langues disent comme mensonge. Ceci est halal et ceci est haram, afin de mentir sur Allah. Et sachez que les menteurs ne réussissent pas. Et Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran al-Karim, et ne prononce pas ce sur quoi tu n'as pas de science. Ne prononce pas ce sur quoi tu n'as pas de science, et sache que ton regard et ton cœur, ainsi que tous tes sens, seront questionnés demain devant Allah Azza wa Jal. Apprends ce que tu donnes comme ordre aux gens. Apprends avant d'ordonner aux gens les ordres d'Allah. et apprends avant d'interdire aux gens ce qu'Allah a interdit. Tu dois être doué de sagesse, de clairvoyance. Regarde les bons côtés et les mauvais côtés des choses. Ton but doit être de réaliser les priorités de cette législation musulmane et non pas de les annuler et de causer un mal plus grand que ce qu'il y a déjà. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran al-Karim, vous êtes certes la meilleure communauté qui a été sortie aux gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah seul. Mais tu dois te doter de la sagesse et de la douceur lorsque tu ordonnes le bien et tu interdis le mal. Tu dois attirer les gens vers la religion d'Allah et ne pas les faire fuir. Tu dois annoncer les bonnes choses de la religion d'Allah et ne pas faire peur aux gens. Tu dois faciliter la religion d'Allah aux gens selon ce qu'Allah a facilité et ne pas la rendre difficile. Regarde lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Musa al-Ash'ari ainsi que Mu'ad ibn Jabal lorsqu'il les a envoyés aux gens pour enseigner la religion d'Allah. Il leur a dit facilitez aux gens et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez les bonnes choses aux gens et ne leur faites pas peur et ne les faites pas fuir. Soyez, yani ayez une parole unie. Soyez unis dans vos avis et vos paroles et ne divergez pas. Soyez sages. Regarde lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen. Il lui a dit, tu vas aller voir des gens, chrétiens et juifs, que la première chose à laquelle tu les invites soit de n'adorer qu'Allah et de délaisser les fausses divinités. Et que tu leur enseignes que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils acceptent cela, alors informe-les qu'ils doivent accomplir pour Allah 5 prières durant leur jour et leur nuit. Et s'ils acceptent cela, alors informe-les qu'ils doivent sortir de leurs richesses pour en donner à leurs pauvres. Et prends garde à ne pas prendre leur plus grand bien. Et prends garde à ne pas toucher leur bien, leur plus grand bien, ou bien les biens auxquels ils donnent le plus d'importance. Et fais très attention à ne pas être injuste envers les faibles. Et fais attention et prends garde aux invocations des victimes d'injustice ou de ceux qui subissent des injustices, car il n'y a pas entre l'invocation de celui qui subit une injustice et Allah un quelconque voile. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde comment ton prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait les prêcheurs à Allah. Regarde comment il nous a appris à conseiller les gens autour de nous et à apprendre la religion d'Allah aux gens autour de nous. Regarde autour de toi. S'il y a des kuffars, s'il y a des non-musulmans, tu dois être bienfaisant envers eux. Tu dois être véridique et ne pas leur mentir. Tu dois tenir tes promesses vis-à-vis d'eux. C'est ça la religion d'Allah. C'est ça la religion qu'Allah a légiférée pour nous. Et cette religion contient d'énormes sagesses. D'énormes sagesses. Sois sage. Et tu ne peux être sage si ce n'est avec l'ilm et la science de la religion. Regarde ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas le choix entre deux choses sans choisir la plus facile, tant que celle-ci ne contient pas de péché. Si la solution la plus facile contenait un péché, dans ce cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloigné de cette chose. Tu dois faciliter aux gens les choses et ne pas leur compliquer les choses, bien sûr avec les facilités qui se trouvent dans la sharia d'Allah Azza wa Jal, et non pas la facilité que tu apportes de ta propre personne. Tu ne dois pas suivre ta passion. Tu dois suivre cette sharia. Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran al-Karim, Allah ne veut pas pour vous dans la religion une quelconque difficulté. Il dit également Jalla wa Ala, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Sois patient. Patiente face aux ignorants qui te répondent mal. Patiente face aux gens qui commettent envers toi une injustice parce que tu les conseilles dans la religion. Patiente. Patiente envers eux. Dis-leur de bonnes paroles. Dis-leur de paroles véridiques. Ne leur mens pas. Et ne te précipite pas. Ne te précipite pas lorsque les gens des péchés et les ignorants n'acceptent pas de toi le conseil. Combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca en train d'inviter les Quraishites au tawhid? Combien de mal et d'injustice a-t-il subi nuit et jour? On l'accusait de sorcier, on l'accusait de voyant, on l'accusait de fou, on l'accusait de Majnoun, alors qu'il savait très bien qu'il était le plus véridique des gens, alors qu'il savait bien qu'il était digne de confiance. Mais malgré cela, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne s'est pas précipité. Lorsque Jibril est venu à lui, alors qu'il subissait beaucoup d'injustices de la part de Quraysh, comment a-t-il réagi alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il a patienté. Lorsque l'ange des montagnes est venu à lui, lorsque les habitants de Taif lui ont jeté des pierres et lui ont fait couler le sang et lui ont cassé ses dents, lorsque l'ange des montagnes est venu à lui en lui disant « Oh Mohammed, veux-tu que j'écrase sur eux les deux montagnes qui sont de part et d'autre de Taif? Si tu m'ordonnes cela, alors je le fais tout de suite. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « Non, ne fais pas cela, car j'ai espoir que de eux vienne une descendance qui adore Allah seul et qui ne lui associe rien. » Regarde, regarde sa patience. Regarde son espoir, alayhi salatu wassalam. Si les gens refusent ton conseil, si les gens refusent ce à quoi tu les invites comme tawhid et sunnah, alors patiente, patiente et dis-toi peut-être que leur descendance, elle sera sur ce message et sur cette religion. Patience, patiente face aux ignorants, patiente face aux pécheurs. Conseille-les, donne-leur des exhortations qui se trouvent dans le Coran et la sunnah. Raconte-leur ce qu'il y a dans le Coran et la sunnah. Et patiente avec eux et ne te précipite pas. Regarde lorsque ce jeune est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les compagnons étaient assis autour de lui en lui disant « Ya Rasulallah, permets-moi de faire l'adultère, permets-moi de commettre l'adultère. » Quelle grande parole! Les compagnons étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont fâchés, ils se sont mis dans tout leur état et ils ont dit « Mais, que dis-tu? Que dis-tu ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce jeune « Rapproche-toi de moi, viens ici. Est-ce que tu accepterais cela pour ta maman? Il répondit non. Est-ce que tu accepterais cela pour ta sœur? Il répondit non. Est-ce que tu accepterais cela pour ta tante? Il a répondu non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant, eh bien de la même manière, les gens n'acceptent pas cela pour leur mère, ni pour leur fille, ni pour leur tante. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour ce jeune en disant, oh Allah, purifie son cœur. Pardonne-lui ses péchés et réforme-le. Regarde, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ce jeune, alors que c'était un jeune qui voulait la corruption et le péché, alors qu'il voulait la turpitude. Quelle plus grande chose que celle-là parmi les grands péchés à part bien sûr le polythéisme. Quelle plus grande chose que celle-là plutôt. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé et il a invoqué pour lui et il a patienté pour lui. Sache, ô toi qui enseigne aux gens, qui conseille les gens, qui conseille et qui rappelle la religion d'Allah à ses proches et à son entourage, sache que cela demande de la patience. Conseille les gens, patiente avec eux, tu ne dois pas te précipiter. Sois doux. Et regarde qu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux, ô Mohammed. Et si tu étais dur, si tu étais rude, au cœur dur, tout le monde se serait enfui autour de toi. Regarde lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit également. Regarde lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également. La douceur n'est dans une chose sans l'embellir. Et la dureté n'est dans une chose sans l'enlaidir. Sois doux, ô mon frère. Aie un bon comportement. Et sache que les gens acceptent de la part des gens qui ont un bon comportement. Dis-leur le salam. Dis-leur de bonnes paroles. Souris-leur. Et sache, non, et viens à l'aide du nécessiteux, aide celui qui est dans la difficulté, dans la détresse. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, ne sous-estime rien parmi les bonnes actions, jusqu'à même retrouver ton frère avec un sourire. Aie un bon comportement avec tes frères, dis-leur de bonnes paroles, avec espoir qu'ils te prennent comme exemple dans ce que tu leur dis, et qu'ils acceptent de toi tes conseils. Applique en premier ce à quoi tu les invites. Et sache qu'Allah Azza wa Jalla te dit, en parlant de Bani Israël, ordonnez-vous aux gens le bien et vous le contredisez. Ordonnez-vous au bien, aux gens le bien alors que vous le contredisez. Il dit également dans un autre verset, pourquoi dites-vous aux gens ce que vous ne faites pas vous-même? Cela est devenu grand chez Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Fais attention mon frère, que tes actes ne soient pas contraires à tes paroles, parce que cela est très dangereux. Cela va fuir les gens de la religion d'Allah. cela va faire en sorte que les gens n'acceptent pas de toi les conseils. Sois sage, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sage. Lorsque les gens ont embrassé l'islam et qu'il a conquis la Mecque, il a dit « Oh Aïcha, si ton peuple n'était pas nouveau dans l'islam, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme Ibrahim l'avait construite le premier jour. Et je lui aurais donné de nouveau deux portes et je les aurais mises à ras de sol, exactement comme l'avait fait Ibrahim a.s. le premier jour. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint que Quraysh se retourne contre lui dû à l'importance qu'il donnait à la maison sacrée d'Allah azza wa jal. Il a donc vu plus de bien dans le fait de la laisser ainsi que de la refaire comme elle a été construite le premier jour. Regarde la sagesse, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pesait le pour et le contre. Regarde la sagesse qu'il y avait en ton messager alayhi salatu wa sallam, qui est ton exemple à suivre. Regarde comment il fait donner priorité au fait de repousser le mal sur le fait d'apporter un bien. Regarde, lorsque les sahaba ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-nous exterminer les hypocrites, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les hypocrites un par un, il les connaissait par leur nom, et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne faites pas cela, de peur que les gens disent « Mohammed tue ses compagnons, Mohammed tue les gens qui rentrent dans l'islam », car les hypocrites cachaient leur hypocrisie dans leur cœur. Regardez la sagesse, ils voyaient plus de bien derrière le fait de les laisser en vie que de les tuer, car il y a plus de bien sûr dans le fait que les gens embrassent l'islam en masse que dans le fait de les tuer, suite à quoi les gens s'enfuiraient et se sauveraient de l'islam. Regarde la sagesse prophétique. Tu dois peser le pour et le contre dans tes conseils aux gens et dans ton enseignement dans la religion d'Allah. Tu as besoin de beaucoup de science pour cela. Tu as besoin d'être en contact permanent avec les savants. Allah te dit, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens parmi les compagnons radhiallahu anhum on dit à cet homme qui s'était blessé dans sa tête, tu dois absolument faire le ghusl, tu dois absolument te laver entièrement. Et après s'être lavé, cet homme est mort, car l'eau a pénétré sa tête dans cette ouverture qu'il avait dans son crâne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi n'ont-ils pas questionné? Bien sûr, l'ignorance est une maladie. Et le remède de cette maladie, c'est la question, c'est le fait de rechercher la science et le savoir sur cette maladie. Sois sage et tu dois apprendre à connaître les gens. Tu dois apprendre à connaître les gens pour distinguer leur niveau intellectuel avant de leur parler de la religion d'Allah. Tu dois analyser leur caractère également pour savoir comment t'y prendre avec eux et pas de n'importe quelle manière. Regarde lorsque ce bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a tiré par son vêtement tellement fort qu'il l'a tiré dans son cou et qu'il lui a fait une des traces dans son cou sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Oh Mohammed, donne-moi de l'argent parmi l'argent que tu donnes aux nécessiteux. » Parce qu'en effet, cet argent-là, oh Mohammed, ce n'est ni ton argent, ni celui de tes parents, ni celui des gens. Les sahaba radallahu anhum se sont fâchés et ils ont voulu s'occuper de lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et il n'a dit rien d'autre si ce n'est donnez-lui ce qu'il mérite, donnez-lui ce qu'il veut, donnez-lui de l'argent. Regardez la sagesse, la grande sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il se comportait avec les gens qui étaient durs envers lui. Regardez lorsque Abdullah ibn Himar, cet homme qui était éprouvé par la boisson alcoolisée, il faisait énormément rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens se plaignaient énormément de lui. Et il le ramenait sans cesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de lui. Et les compagnons ont un jour dit, qu'Allah le maudisse, on le ramène tous les jours, on le ramène tout le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué en disant, ne le maudissez pas, car il aime Allah et son messager. Et dans une autre version, n'aidez pas Shaitan contre lui, n'aidez pas Satan contre lui. Regarde la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois un prêcheur vers le bien et comporte-toi sagement envers les gens. Et ordonne aux gens la religion, les ordres d'Allah, ou plutôt transmet aux gens les ordres d'Allah, mais sous leur vraie forme et de la manière avec laquelle Allah les a révélés et non pas avec ta passion, et non pas avec dureté et passion, en croyant que dans cela réside le bien. Conseille les gens de la manière qui a été légiférée. Ne conseille pas juste ce qu'Allah a donné comme ordre, mais également avec la manière qu'Allah a légiféré pour donner, pour transmettre ces conseils-là. Ne sois pas une personne qui se venge, ne sois pas une personne qui se dispute, ne sois pas une personne qui fait fuir, plutôt sois une personne qui exhorte. Oh mes frères musulmans, oh mes sœurs musulmanes qui m'entendent à l'instant, propagez la religion de l'islam sous sa vraie forme. Prenez garde à être sur les traces de vos premiers, à propager cet islam comme il est venu, de la manière qu'il est décrit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Propager cet islam sous sa vraie forme, à tel point que si le chrétien ou le juif ou autre parmi les non-musulmans voyait cet islam dans vos agissements, eh bien il serait étonné, il serait ému en voyant votre véracité, en voyant votre parole tenue. Les gens s'enfuient de la religion. Les gens s'enfuient de la religion lorsqu'ils voient que les suiveurs de cette religion ne s'accrochent pas à celle-ci. Lorsque tu vois des musulmans passer leur temps dans les salles de jeu, lorsque tu vois des musulmans passer leur temps dans les salles de fête, lorsque tu vois les musulmans passer leur temps à danser et à chanter, lorsque tu vois les musulmans passer leur temps à boire les boissons alcoolisées et autres, sois une personne accrochée à sa religion. Sois parmi ceux qu'Allah aime. Sois le premier à aimer ta religion. Sois un exemple de ce à quoi tu appelles. Applique cette religion à laquelle tu appelles. C'est ainsi que les gens vont donner une grande importance et un grand respect à l'islam. Et c'est ainsi qu'ils vont te respecter également. Même s'ils n'entrent pas en islam, même s'ils n'embrassent pas l'islam, ils vont te respecter. Sache que la prêche et l'enseignement de la religion d'Allah a besoin de science et de sagesse. Et pour cela, tu dois revenir vers les gens de science afin de comprendre la religion d'une bonne compréhension, selon la sunna, sans extrémisme ni laxisme. Tu dois être sur la sunna. Tu dois être sur la sunna. Et ne fais pas fuir les gens de la religion d'Allah avec un prétexte que tu es accroché à la sunna. Ne sois pas extrémiste. Ne sois pas extrémiste. Et sache que la sunna, en elle-même, eh bien, elle fait en sorte que les gens aiment les gens de la sunna. La sunna, la vraie sunna, ne fait pas fuir les gens des suiveurs de la sunna. Plutôt, la vraie sunna, elle fait aimer les gens, les suiveurs de la sunna. Comprends cette sunna correctement et fais la différence entre les gens qui habitent dans les pays non musulmans et les gens qui habitent dans les pays musulmans. Fais la différence de ta manière de parler et de conseiller. Sois sage et dis les paroles comme il se doit, au moment où il se doit et là où il se doit. Sois patient avec les gens, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Et sache que il y a parmi les gens des personnes qui n'acceptent le conseil qu'après bon nombre de patience, qu'après une longue durée de conseil et d'endurance. Fais la différence entre l'ignorant et celui qui sait, mais qui s'entête. L'ignorant, tu dois patienter avec lui. Mais celui qui s'entête, parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, qui savent, mais qui mentent sur la religion d'Allah exprès et volontairement pour égarer les gens de la voie d'Allah, ces gens-là, ce sont les gens de l'innovation. Prends garde à eux. Prends garde à eux. Et sache que le conseil, au bout d'un moment, ne leur profite en rien. Sache que le conseil, au bout d'un moment, ne leur profite en rien. Ni le conseil, ni le rappel. Prends garde à eux. Et mets en garde contre eux. Sache que ce sont des gens qui suivent la passion. Sache que ce sont des gens qui ne suivent pas la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sache que la voie d'Allah est unique. Et que ces gens-là l'ont divisée en branches et en groupes et en parties. Ils ont déchiré l'islam. Ils ont déchiré la sunna. Il faut que tu te distingues avec la sunna, qui est la salafia. Il n'y a pas de place dans l'islam pour les soufis, ni pour les athées et les laïcs, ni pour les libéralistes, ni pour les socialistes, ni pour toute personne qui n'est pas sur la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. L'islam, c'est la sunna. Il faut que tu la comprennes sous sa vraie forme. Il faut que tu sois sur la compréhension des premiers de cette communauté. L'islam, c'est la sunna. La sunna, c'est la salafia. La salafia n'a pas de gourou. La salafia n'a pas de fondateur. La salafia, c'est l'islam sous sa vraie forme. La salafia, c'est l'islam sous sa forme naturelle, sous sa forme d'origine. L'islam, c'est la prêche salafi. L'islam, c'est la voix d'Abu Bakr. L'islam, c'est la voix de Uthman, de Ali, d'Abu Talha. L'islam, c'est la voix de Talha. C'est la voix d'Abdullah ibn Umar. C'est la voix d'Umar ibn al-Khattab. C'est la voix d'Ibn Mas'ud. C'est la voix d'Aïcha. C'est la voix de Zaynab, de Hafsa et des mères des croyants. C'est la voix de, toutes ces, de tous ces premiers musulmans, de tous ces pieux prédécesseurs. Comprenez l'islam comme ils l'ont compris eux. Ne comprenez pas l'islam comme Hassan al-Banna. Ne comprenez pas l'islam comme Sayyid Qutb. Ne comprenez pas l'islam comme ces philosophes et comme leurs suiveurs et leurs défenseurs parmi les athées et les laïcs. Ô toi le musulman, ô toi la musulmane, reviens à la voix de tes premiers, reviens à la voix des pieux prédécesseurs. Ne suis pas un groupe précis, ne suis pas un parti, une secte précise. Ne suis pas à tort et à travers tous les groupes que tu vois autour de toi. La religion est unique. La religion est unique. Celui qui s'accroche à cette religion est sauvé. Et celui qui la contredit périra. La religion d'Allah ne doit pas contenir de désordre. Et ni rien de tout cela. La religion d'Allah, c'est le livre d'Allah et la sunna de notre prophète. Allah nous dit, suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et ne suivez rien en dehors de cela. Et ne suivez rien en dehors de cela. La religion d'Allah ne doit pas contenir de désordre ni de corruption, comme ces groupes et ces sectes qui ont commis le désordre sur terre, qui ont été la cause pour le bain de sang et la mort de bon nombre de milliers et bon nombre de milliers de gens. Appelle les gens à la religion d'Allah, enseigne la religion d'Allah, conseille les gens autour de toi, apprends aux gens la religion d'Allah à partir du Coran et de la sunna. Rappelle à celui qui a oublié, rappelle à celui qui est distrait, qui s'est détourné. Apprenez aux gens leurs croyances. Combien de musulmans portent sur lui, combien de musulmans autour de nous portent sur eux des amulettes, combien de musulmans autour de nous tournent autour des tombes et invoquent en dehors d'Allah toutes des formes de polythéisme qui font sortir de l'islam. Faites attention aux mensonges et au rajout dans la religion. Faites attention au désordre sur terre, aux groupes et aux sectes égarés et aux groupes qui s'occupent de la politique. Prenez garde et faites attention à ces sectes dont le seul but est le désordre. Et remerciez Allah Azzawajal pour la sunna sur laquelle vous êtes. Et je demande à Allah Azzawajal qu'il nous raffermisse sur cela, sur l'islam et la sunna. Et car il est le seul capable de nous faciliter cela et de nous raffermir sur cela jusqu'à la mort. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et je vous remercie pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.